On était des copains de jeu, tout ça. Rien à voir avec Love Story. Nous, on ne s'aimait bien que la nuit, bien que la nuit. Oh, oh. Oublie l'enfant que l'on n'aura jamais. La maison, le chien blanc que tu voulais. On ne s'est jamais rien promis. Nous, ce n'était rien qu'un bout de vie. Un bout de vie. Un jour je pars, un jour je viens, je ne suis rien qu'un baladin. Je joue mon cœur sur les chemins et le hasard est mon seul destin. Ne dis pas que je finirai tout seul, je sais bien, je ne suis rien qu'un baladin. Un jour je pars, un partager les jours de pluie, les larmes des amours un peu finies. Moi je m'en vais toujours avant, avant qu'il y ait un perdant. Je suis le vent. Sur les chemins.